C'est top pour se mélanger dans la société, c'est s'encourager. Changer de voiture pour chaque utilisateur, on passe en idée. Changer de voiture alors que l'ancienne roule, c'est un peu plus normal. Changer pour échanger et recharger le mode frime, les bras ballants qui priment. Avoir le dernier téléphone avant sa production, je fais du lèche. Pour que l'ancien téléphone qui décroche, je raccroche, c'est moche. Les appels et les appelants et les dirigeants qui dirigent vers les services qui se vantent de vendre. Procuration technique, technique de vente publiée, je publicite. Sans se justifier, méfie les méfaits, encouragement, accroissement de la puissance mondiale. J'avance lentement, je découvre, je procure, je suis emballé. Je suis aimé de tout, le téléphone rose ne marche à peine. Je prends la peine de décrocher, mais c'est plus pareil, je me la ramène. Le produit de consommation et 30 millions d'amis qui deviennent qui, pour qui. Picasso se mélange les pinceaux, tout le monde joue sur plusieurs tableaux. On ne répare plus, on ne le ressemble plus, on ne l'apprécie plus. Ça va plus vite et on subit. Je jette, je me rachète comme un market. Les baskets, je gagne chaque point est essentiel. L'essence même comme gilette. Au mois de juillet, je fais des claquettes. Et on te dira, t'inquiète. Chaque jour, un post-it placardé sur tous les murs. Concentration de messages, observation, négociation. Homme d'affaires, zone publique. Je vous informe des nouveautés devant les lycées. Arrêt de bus qui marque des points. Panneau publicitaire, c'est inné, quelle belle merguez, je tâte. Qui avec qui, qui fait équipe avec qui fait des tribus et des tribales, qui ressemble à l'autre, qui partage avec le attache, qui fait piller qui. J'avance, contrôle, précision, sur prévision, dans un pavillon, petit papillon, gnon-gnon ou ron-ron, fait le chat du 4. Pour un kit 4 qui gratte, qui va, qui a, sur inventaire, qui vante ses mérites, minimitari, il retombe sur ses pattes. Savoir sans avoir, c'est le pouvoir, le regard droit de personne devant. Millimétrerie et millimétré, l'objectif dans le précipice, c'est tant pis. Savoir avant d'avoir, pour prévoir et avoir le pouvoir. Où mettre les pieds, déjà fait, qui me semble parfait. Prévision sur le savoir, inventaire limité, mais à rude, assez dur, assez mou, à ça va, ça vient, et tu reviens sur le refrain. Qui avec qui, qui fait équipe avec qui. Qui fait des tribus et des tribales, qui ressemble à l'autre, qui partage avec attache, qui fait payer qui. Il n'y a pas d'aventure sans prendre la température, la terre fait crédit à tout bout de champ, accepter ou ignorer la fragilité qui fait durer le plaisir. Tu joues, tu peux perdre ou perdurer comme au poker, tu mises tranquille, habite, je m'habille et frime. Le bateau perdure, le bateau flotte, je toque, merde, plus de poissons à l'horizon. Une cope 3 étoiles, navré, je suis charmé, nouvel hebdo, radeau, qui va ou qui fait quoi. Et puis foutre une idée capitaliste, laissez-moi passer, c'est validé. Car opération d'urgence, les docs N4 se font balafrer. La vérité qui fait, qui publicite, qui informe, c'est pas conforme, laissez-moi me faire contrôler. Y'en a assez, le capitalisme va des animaux, nos problèmes, mais qui est le pire. Vendre ou se laisser acheter. Vendre ou se laisser acheter. Qui avec qui, qui fait équipe avec qui fait des tribus et des tribales, qui ressemble à l'autre, qui partage avec attache, qui fait payer qui.